طيب اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم ندخل في الحديث الثاني بعد المئة، 102 حديث. Toujours dans باب سجود السهو، prosternation de distraction. يكون عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في ركعتين الأوليين، ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس. فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. Donc selon Abdullah ibn Buhayna, qui faisait partie des Sahaba, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait fait la salat du dhuhr pour eux et qui s'est levé après la deuxième rakat sans faire le premier tashahhud. Donc les gens se sont levés avec lui et dans une version ils ont fait le tasbih, le fait de dire subhanallah pour qu'ils s'en rendent compte de l'erreur, mais apparemment il n'aura pas fait attention à cela. Une fois qu'il a fini la salat, les gens, justement, ont attendu qu'il fasse le taslim. Et à ce moment-là, au lieu de faire le taslim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le takbir, alors qu'il était assis, et il s'est prosterné deux fois. Et ensuite, il a fait le taslim. C'est-à-dire qu'en fait, durant la salat, il s'est rendu compte, c'est-à-dire après s'être relevé, il s'est rendu compte qu'il avait oublié le tashahhud. طيب يقول الراوي هو عبد الله بن مالك بن بحينة. Le rapporteur c'est عبد الله بن مالك بن بحينة dont on a déjà parlé auparavant. يقول موضوع الحديث بيان حكم الناس التشهد الأول في الصلاة. Maintenant c'est pour montrer le jugement de celui qui a oublié le premier tashahhud dans la salat. يقول في الشرح الإجمالي explication globale du hadith. يخبر عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فنسي التشهد الأول. Donc Abdullah ibn Malik ibn Buhayna informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait pour eux le dhor et qu'il oublie le premier tashahhud. Wa qama al-thalitha wa lam yajlis faqad sabbaha an-nas walakinahu madha fi salatihi. Et donc après il s'est relevé, les gens lui ont fait le tasbih mais pourtant il a continué dans sa salat. Thumma atammaha wa sajada sajdatayn lis-sahw qabla an yusallima min salatihi. Donc après il a dit, il a complété sa salat. Une fois qu'il a fini, il a fait deux profanations, des distractions, avant de faire le taslim. Car ces deux profanations étaient venues pour combler le manque de cette obligation qu'il a délaissée. Et après cela, c'est-à-dire cette obligation qu'il a délaissée, c'était le premier tashahhud. Et après cela, il a fait le salam. Naam. Fayaqul من فوائد الحديث أصلا موجود الحديث وقوع السهو في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من النسيان والنسيان من طبيعة البشر. Donc il a dit qu'il arrive que le Nabi صلى الله عليه وسلم également puisse se distraire dans sa salat, car c'est un oubli et l'oubli fait partie de la nature de l'homme. ثانيا أن من نسي التشهد الأول حتى قام للثالثة لم يرجع إليه ويجبره بسجدتين السهو قبل السلام. Que celui qui a oublié le premier tashahhud et qui se lève pour la troisième rakat, il n'a pas à revenir en arrière. Mais cet oubli sera comblé par justement les sajouds de sahou. Ça, c'est une différence qu'il y a entre justement, on l'avait parlé la dernière fois, entre le pilier et l'obligation. L'obligation, si jamais tu l'as oublié involontairement, alors elle sera comblée par les deux profanations de distraction à la fin de la salat. Par contre, le pilier, si tu l'oublies, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de reprendre la rakat qui contient ce pilier que tu as oublié. Il ne suffit pas de faire deux profanations de distraction pour combler. Non, il faut refaire le pilier. Et après, pour cet oubli, faire les deux profanations de distraction. Donc là, c'est la différence qu'il y a entre les deux. D'accord ? C'est-à-dire le pilier qu'on oublie volontairement ou pas, on est obligé de le rattraper. Alors que l'obligation, si jamais on la délaisse volontairement, la salat elle est nulle. Mais si on l'oublie, malgré nous bien évidemment, alors on n'a pas le refaire, mais on le comble par deux profanations de distraction. يقول ثالثا أن التشهد الأول ليس بركن لأن ركن لا يجبره سجود السهو. Comme on disait à l'instant, que le tashahhud al-awwal, ce n'est pas un pilier. Car si jamais ça avait été un pilier, il aurait été obligé de le recommencer, de le faire. Il n'aurait pas été simplement compensé par la profanation de distraction. Et ça, c'est parmi les preuves que le premier tachahoud est une obligation et non pas un pilier, contrairement au deuxième tachahoud. Rabi'an, le ma'moum, yutabi'a imamahu, il y a quand même le tachahoud al-awwal, nasiyan, fala yajlisuhu. Et que celui qui est président en salat doit suivre son imam si jamais il se lève. Qu'il a oublié par exemple le premier tachahoud, il se lève avec lui quand même et il le suit. Il fait le tasbih pour lui faire comprendre qu'il y a une erreur, malgré cela, il le suit. Comme l'ont fait les sahaba dans ce hadith. Naam. Taïeb, Fabien Dakon Naktafi, là on a fini justement le bab de Sujoud al-Sahw. Faïla Huna, walhamdulillah.